Au départ, tout semble parfait. Sans se connaître, on se connaît. Les grillons de nos vies rechantent. On oublie nos malheurs passés, puisque tout peut recommencer. Pour un papillon dans le ventre, doux, on se dit de doux mots d'amour, doux, on s'offre des bouquets de fleurs, doux, et puis des bisous dans le cou. On jouit des bonheurs alentours, comme s'ils étaient faits pour nous. Tes petits soucis, tes peines de cœur, tes messages la nuit sur mon répondeur, ça me plaît, ça me touche. Tes grains de folie, ta fausse pudeur, font comme par magie un monde en couleur dans le creux de ma bouche. Viennent alors les belles années de la poésie en sachet, au cœur de l'anguille. Après s'être bien échauffé, bercé d'un vent de légèreté, les grillons de nos vies fredonnent. Tip-tap dans leur petit nid de douceur, nos hirondelles semblent imiter deux esquimaux dans un igloo. Scotchant au réfrigérateur, Polaroid à dessous. Tes petits soucis, tes peines de cœur, tes messages la nuit sur mon répondeur, ça me plaît, ça me touche. Tes grains de folie, ta fausse pudeur, font comme par magie un monde en couleur dans le creux de ma bouche. Tap, tap, tap, tap. Mieux vaut le savoir en effet. L'amour ne tient jamais parole. Passer les beaux jours de l'été, chassés d'un vent de cruauté, les grillons de nos vies s'envolent. Et dans ce décor sans couleur, l'orphelinat des cœurs brisés nous invite à perdre le goût des petits instants de bonheur qui jadis étaient faits pour nous. Tes petits soucis, tes peines de cœur, tes messages pourris sur mon répondeur, je n'en ai rien à foutre. Tes grains de folie, ta fausse pudeur, ont fui la magie d'un monde sans saveur, dans le creux de ma bouche. Tap, tap, tap. T'imagines un ingé son qui aurait dit tu te calmes Johnny?